إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله تعالوا معي لنقضي هذه اللحظات المباركة عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فهي وصية للأولين والآخرين قال جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله Mes frères, la première recommandation et l'une des plus importantes des recommandations c'est la crainte pieuse d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah azza wa jalla dit d'après le sens Nous avons recommandé à ceux dont nous avons donné le livre, avant vous ainsi que vous, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, qala qultu ya Rasulallah, awsini, faqala sallallahu alayhi wa sallam, awsikum bitaqwallah, awsikum bitaqwallah, فإنها رأس كل شيء وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم فإنها جماع لكل خير مفخاغ حديث أبي سعيد الخضري رضي الله تعالى عنه كي جي أجي أو مساجد الله recommande nous une recommandation il dit le prophète صلى الله عليه وسلم je vous recommande de craindre Allah subhanahu Azza wa Jal, car c'est la base de toute chose. Et dans une autre version, on dit Ali salatu wassalam, car la taqwa, la crainte d'Allah Azza wa Jal, elle unit tous les biens. Eh na'am ibadallah, wa ya khayru zad, kama qala rabbuna jalla wa ala, wa tazawadu, fa inna khayra zad it taqwa. Et mes frères, c'est la meilleure des provisions. Eh na'am ibadallah, la meilleure des provisions dans ce bas monde, s'approvisionner de quoi? De la crainte d'Allah Azza wa Jal. Allah tabaraka wa ta'ala dit, yani approvisionnez-vous, fa inna khayr, car la meilleure des provisions, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa siyam ramadan ibadallah, huwa sababun lil mu'min, an yatazawad bitaqwa Allah Azza wa Jal. Mes frères, le jeûne du mois de ramadan, c'est une cause pour qu'on acquit la crainte pieuse d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أو فوك لكرويان le verset où Allah عز وجل أو فوك لكرويان يجي يا أيها الذين آمنوا كتب c'est-à-dire Allah vous a prescrit le siyam Naam kutiba alaykum siyam. Il vous a prescrit le jeûne du Ramadan comme il les a prescrit ceux d'avant vous afin que vous atteigniez la piété. Naam ibadallah. Yaqulu al-allama al-fawzan hafidhu Allah annama idha intaha Ramadan fa inna haqqa Allah jalla wa ala la yantahi illa bil maut. Qala ta'ala wa'budu rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin. Mes frères, le mois de Ramadan est fini. Mais sachez que le droit d'Allah Azzawajal, lui, il ne finit jamais qu'avec la mort. Comme il dit Cheikh Salah Al-Fawzan, Hafidhu Allah Ta'ala. Allahu Jalla wa ala ibad Allah, huwa Rabbu Ramadan, wa Rabbu Shawwal, wa Rabbu Jami'u Shuhur Sana. Fattaqu Allah ya ibad Allah, fi kulli Shuhur. Mes frères, le Seigneur Jalla wa ala, c'est pas que le Seigneur du Ramadan, c'est le Seigneur du mois de Ramadan, le mois de Shawwal, c'est le Seigneur de toute l'année. Ayna'im ibad Allah, hafidhu ala dinikum, hafidhu ala dinikum. Persévérez dans votre religion, soyez fermes dans votre religion, ne la délaissez pas après le Ramadan. Fi kulli hayatikum, dans toute votre vie, mes frères. Fa innahu ra'su malikum 'inda Allah wa huwa najatukum min an-nar. Car mes frères, la religion, na'am 'ibad Allah, c'est notre capital auprès d'Allah subhanahu azza wa jal. Et c'est notre salut du feu de l'enfer, qu'Allah me préserve et vous préserve. إن شهر رمضان يتبع بالشكر ويتبع بالاستغفار ويتبع بالفرح بفضل الله عز وجل الذي مكننا من صيامه وقيامه فنحن عباد الله نفرح بهذه النعمة نفرح بهذه النعمة لا نفرح بانتهاء شهر رمضان نفرح بأننا أكملنا في عبادة الله عز وجل بهذا نفرح قال جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Le mois de Ramadan, il est suivi, mes frères. Il doit être suivi par la reconnaissance, par la demande de pardon, c'est-à-dire après le Ramadan. Pas on arrête tout, on stoppe tout, on fait un tir à frein à main, on dit ça y est, on dirait que le Seigneur existe. Non, après le Ramadan, il faut faire des efforts aussi. Pendant le Ramadan, Allah nous a donné des adorations. Siyam wa qiyam, les meilleures adorations. Le siyam, un compteur qui ne s'arrête pas de hasanat. Du matin, du lever jusqu'au coucher. Al qiyam al layl, quand le soir aussi, ça ne s'arrête pas. Subhanallah. Et l'âme, elle trouve le repos qu'avec ces choses-là. Qiyam wa siyam. Kadhalik après le Ramadan aussi. Il faut faire le qiyam, il faut faire le siyam. Il faut garder ces choses-là. Na'am ibad Allah. Et cette année-là, on a été privé de mosquée. On a été privé de mosquée. C'est Allah qui a décidé cela. Walakin, on a des adorations qu'on doit faire en secret. Le fait de faire Qiyam al-Layl tout seul à la maison, de faire Tarawih tout seul, voir si t'es mukhlis lillah azza wa jal, ou tu veux faire tout en public et rien en secret. Non, faut faire en public et en secret, mes frères ibad Allah. Hey, na'am ibad Allah. Allah azza wa jal, il dit, ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir. Na'am, c'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent, c'est-à-dire dans ce bas monde. كذلك عباد الله واحذروا من اهل الغفله وكيد الشيطان لانه يوسوس للناس اذا انتهى رمضان صار الانسان كما قال العلامه الفوزان حرا طليقا كانه خارج من السجن فينطلق في اللهو والغفله واضاعه الصلاه وغير ذلك من المنكرات. Il dit Cheikh Salah Al-Fawzan, prenez garde à l'exagération et à la distraction, na'am, ainsi que l'insouciance et l'éloignement de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Prenez garde au shaitan et ses ruses. Il insuffle aux gens que si le Ramadan est fini, na'am, l'individu il devient comme quelqu'un qui est libre, qui est un affranchi. C'est-à-dire comme s'il était en prison pendant Ramadan. Puis après, il sort de cette prison-là. Ah, enfin, Ramadan, il est fini. Ah, enfin. Na, na'am, ibad Allah. Hafidhu ala a'malikum. Wa tubu ila Allah. Ala taqsirikum wa khata'ikum. Fa inna Allah yatubu ala man tab. Soyez persévérants dans vos œuvres. Repentez-vous à Allah Azza wa Jal pour vos manquements ou vos erreurs. Car Allah est repentant envers celui qui se repent. Ajlis. Hafidhu ala salah. لأن الذي يترك الصلاة يقع في الكفر. Persévérez dans la prière, mes frères. Ne faites pas la prière que pendant le Ramadan. Car celui qui délaisse la prière, il est tombé dans la mécréance. وأعوذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. Mes frères, le prophète صلى الله عليه وسلم, il dit, certes, entre un homme et l'associateur et le mécréant ou la mécréance, c'est l'abandon de la prière. عباد الله. المعاصي سبب لكل شر كانتشار الأمراض والأوبئة التي فيها كوارث عالمية لا تعرف حدودا، إنما تنتقل من مكان إلى مكان. Faites attention au péché, mes frères, car les péchés et la multitude de la propagation de ces des péchés, c'est la maladie qui se transmet entre les gens. Et l'aubia, ces virus qui est actuellement, cette catastrophe qui est dans le monde actuel, qui touche les musulmans et les non-musulmans. Wa bihamdillah azza wa jal, les pays musulmans, ils ont été un peu préservés de cela. Mais les pays non-musulmans, ils ont été annihilés. Il y a eu des morts et des milliers et des milliers de morts. Parmi eux, il y avait des musulmans qui sont morts. Nous, on se réjouit pas, même si c'est des non-musulmans. Même si c'est des non-musulmans, on se réjouit pas de cela. Na'am ibadallah. Wa kadhalik, innal ghafil wal asi wal kafir. Na'am. La yufakir abadan. Fi khalfiyat mithl hadhi al-ahdaf. Bal yaraha faqad bi'ayn al-tabi'a wa al-dunya. L'insouciant, le pécheur, le kafir. Il ne médite pas sur cela. Il dit simplement, c'est la vie. Il dit simplement, hayat dunya. Hada qada wa qadar. Allah Azza wa Jal, il a décidé cela. Lakin, an yarji' al-amr ila ma kasabat yadahu an-nas, kama qala jalla wa ala, wa ma asabakum min musibatin, fabima kasabat aydikum, wa ya'fu an kathir. Mais on doit se remettre en question. Et que toutes ces choses-là, c'est la cause des péchés des êtres humains. Allah Azza wa Jal, il dit d'après le sens. Tout malheur qui vous atteint, tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis et il pardonne. Beaucoup, al-mu'min yarji' ila Allah ibad Allah wa ya'udu ila al-kitab wa sunnah. Qala ta'ala wa lanudhiqannahum min al-'adhab al-adna dun al-'adhab al-akbar la'allahum yarji'un. Le croyant, il doit revenir à Allah Azza wa Jal en s'accrochant à son livre et à sa sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal dit: Nous leur ferons certainement goûter un châtiment ici-bas avant le grand châtiment de l'au-delà. Ya ikhwani, personne ne peut patienter à l'enfer. Wa ma asbarahum ala an-nar. Wallahi mes frères, on ne peut pas patienter une seconde en enfer. Si notre doigt il brûle, toute la nuit on pleure pour notre doigt mes frères. Na'am ibadallah. Allah azza wa jalla dit, ici-bas avant l'au-delà, avant le grand châtiment, afin qu'il retourne vers le droit chemin. Wa akhiran ibadallah. Et dernièrement, mes frères, en ce jour béni, na'am, en ce jour de fête pour les musulmans, min an-nasiha fi hadha al-yawm al-mubarak, parmi les conseils dans ce mois béni, birr al-walidain, na'am, d'être bienfaisant envers ses parents. Qala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et mes frères, Allah Azza wa Jalla dit, d'après le sens, et ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui seul et d'être bienfaisant envers les parents. وَلَمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِحَقِّهِ جَلَّ وَعَلَى أَمَرَ بِحَقِّ الْوَالِدَيْنِ. Dans ce verset-là, il a ordonné son droit, il a mentionné le droit de l'adoration, de l'adorer lui seul. Tout de suite après, il mentionne qui, mes frères? Il mentionne les parents. Vu l'importance de cela, Allah, c'est lui qui t'a créé, na'am, et tes parents, c'est la cause pour que tu es aujourd'hui ici. C'est une cause, sabab, ibadallah. لأن الوالدين هما أعظم محسن عليك بعد الله عز وجل. أحسن إليهما كما أحسن إليك وأن تشكرهم كما قال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك. Et mes frères, sois bienfaisant envers eux, comme ils ont été bienfaisants envers toi. Quand tu étais dans leur ventre, quand tu étais enfant, et que toi tu dormais pas, et ta mère ne dormait pas aussi, t'étais malade, ils étaient malades. Et nous, quand on a des enfants, on comprend cela. Aïna'am ibadallah. Et remercie-les. Allah Azza wa Jalla dit, remercie tes parents, remercie Allah Azza wa Jalla, remercie-moi, puis remercie tes parents. Chouf, subhanallah. Le verset le premier, le droit d'Allah, plus les droits des parents. Le deuxième verset, le remerciement d'Allah Azza wa Jal, ça suffit pas, il faut remercier aussi tes parents. Ahsan al-ihsan ilayhim, comme قال العلماء هو بالقول والفعل. L'être bienfaisant envers eux, c'est avec la parole. Leur dire des bonnes paroles, ne pas insulter tes parents, comme aujourd'hui on voit des gens qui insultent leurs parents, qui les rabaissent, qui les frappent même. Il y en a, ils les ont tués, wa la'oudou billah. Aïna'am ibadallah. بالقول leur dire des bonnes paroles, بالفعل agir en bonne, enfin, en faisant des bonnes actions envers eux. عباد الله ثم بعد ذلك إذا ماتوا نعم من آبائنا أو أمهاتنا علينا بالدعاء علينا بالدعاء الأموات تحتاج إلى الدعاء الأموات تحتاج إلى الدعاء. Les gens qui ont plus leurs parents ou un membre de leur famille, que ce soit un père ou une mère, c'est aussi d'être reconnaissant envers eux. Après leur mort, c'est de leur faire des invocations. Car le mort, il a besoin d'invocations, mes frères. Le mort, il n'a pas besoin d'argent. Il n'a pas besoin de voiture. Il n'a pas besoin de villa. Le mort, il a besoin qu'on l'invoque, mes frères. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث أبي هريرة وهذا الحديث في مسلم قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به الناس أو ولد صالح يدعو له. Et mes frères, il dit le prophète صلى الله عليه وسلم, quand le fils d'Adam meurt, tout s'arrête, toutes ses actions s'arrêtent, sauf trois choses, il dit عليه الصلاة والسلام. Une œuvre continue, صدقة جارية, une aumône qui continue, qui est durable, un livre, un puits, un arbre, ça c'est quelque chose qui dure. Na'am ibad Allah, t'es dans ta tombe, le compteur y tourne. Deuxièmement, صدقة جارية, ou une science utile, qui les gens ils bénéficient de cette science. Comme les savants, ils ont fait des livres, كتبوا كتب, يعني كذا, ils ont fait des livres. Aujourd'hui on mentionne leur nom, on leur dit رحمه الله تعالى, ils ont des récompenses dans leur tombe actuellement. Et dernièrement, waladun salih, nous on n'a pas de science, ou des fois on n'a pas d'argent pour faire des aumônes. Un enfant pieux qui fait quoi? Des invocations pour toi. Premièrement, on voit l'importance d'éduquer nos enfants au tawhid, d'adorer Allah seul, d'invoquer Allah seul, de ne pas invoquer autre que lui. Celui-là qui invoque un autre qu'Allah, il a fait du shirk, du polythéisme. Na'am ibadallah. On invoque Allah pour qu'il pardonne notre père. Na'am ibadallah. Le fait de faire des du'as envers vos parents, comme il dit Ibn Taymiyyah rahimahullah, au moins de le faire dans chaque prière obligatoire. Ibn Taymiyyah, dans chaque prière obligatoire, min ihsan ilayhim, c'est de leur faire du'a à tes parents. Na'am ibadallah. Allahumma ahyina ala at-tawhid wa sunnah. اللهم أحينا على التوحيد والسنة اللهم أحينا على التوحيد والسنة وأمتنا عليهما يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أهدينا اللهم أهدينا اللهم أرفع هذا البلاء اللهم أرفع هذا البلاء اللهم أرفع هذا البلاء في بلاد المسلمين وفي بلاد غير المسلمين اللهم أرفع هذا البلاء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أي نعم عباد الله تقبل الله منا ومنكم et mes frères بارك الله فيكم. Quand on se lève, on fait pas les accolades, on se colle pas ni la bise ni on fait un attroupement, يعني on se salue comme ça de loin, alhamdulillah, on fait dua entre nous et on quitte les lieux بإذن الله سبحانه وتعالى وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. Pour les responsables qui nous ont accueillis يعني, et ouvert cette porte de faire la prière en groupe, جزاكم الله خير.